Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. Alors ne cherchez plus, il y a les électriciens du Nord au 1025 Première Rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible pour vous depuis plusieurs décennies dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord au 418-347-5103. Monsieur Ghislain Tremblay et toute son équipe souhaitent bonne chance à l'organisation de Milo en rodéo et invitent la population à participer aux activités. On va parler avec... c'est la NCAA qui va commencer la semaine prochaine. Et comme on va le faire, je suis très content de parler de football, de la NFL, le football également de la NCAA. Et Tony Guzzo, à partir de la semaine prochaine, on va analyser la conférence américaine et la conférence nationale. Mais cette semaine, on va faire un peu le même principe, mais par contre, les gens qui lisent le site le Biz NFL, il y a une section NCAA. Et Wallet, qui fait partie du comité, a décidé de... Ils ont sorti leur top 25. Nous, on va se concentrer sur le top 10 pour comparer un peu avec ce que les autres revues américaines prédisent. Salut Wallet! Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Wallet, très très content que tu reviennes encore sonner. C'est très intéressant tes chroniques. J'ai beaucoup aimé l'an passé sur la NCAA. Donc, très très heureux. Ça fait plaisir de parler. Que tu reviennes pour une deuxième année. Là, ce qu'on va faire cette semaine, on va y aller, on va analyser le top 10, on va comparer avec les revues, puis par la suite, rapidement, on va y aller avec de 10 à 25. Tu permets, Wallet? Ah ouais, ok. Donc, le comité, parle-moi du comité d'abord du Blitz NFL. Comment vous allez procéder pour mettre un power ranking de la NCAA? Ben honnêtement, on se casse pas vraiment la tête. On est un groupe de 4 gars qui font des chroniques sur la NCAA ou qui participent au site du Blitz NFL, effectivement, au niveau du college football. Puis à chaque semaine, on sort notre top 10. Puis c'est vraiment simple. Je dis aux gars, regardez-moi cette semaine, mon top 10, c'est ça. Vous, le vôtre, c'est quoi? Puis j'accumule les points. La première place dans un top 10, ben ça donne 10 points. Puis la dixième place, ça donne 1 point. Puis au final, ben on fait notre classement de cette manière-là. Là. C'est assez simple. C'est des mathématiques de base là, qu'on fait juste calculer. C'est-tu le même principe un peu que dans la NCAA? C'est-tu un peu le même principe qu'ils vont? C'est un comité aussi? C'est un comité de 13 personnes. Puis ouais. Je pense que... C'est sûr que quand ils vont avoir à déterminer, exemple, qui va finir quatrième au lieu de cinquième, naturellement, il y a beaucoup d'argent en jeu. Là. D'après moi, c'est pas seulement des points qui sont calculés. Là. On va commencer à regarder un peu plus, OK, la force de leur horaire, elle ressemble à quoi? Puis ouais, comment ils se sont présentés contre d'autres équipes du top 25 durant la saison? Est-ce qu'on pense que leur offensive est assez bonne pour rivaliser contre les grosses défensives comme celle d'Alabama ou de LSU? Est-ce que leur défensive est assez bonne pour stopper Clemson? Donc c'est toutes des questions qu'eux vont se poser. Nous autres, on le fait un peu plus de façon amicale, puis on fait juste de voter en se mettant des points. Mais en bout de ligne, une des raisons pourquoi, que l'exemple l'an dernier, pourquoi que certaines personnes ont dit nous autres, on préfère avoir Oklahoma dans notre top 4 qu'avoir Ohio State, c'est tout simplement parce que la défaite de Ohio State contre Purdue durant la saison, selon moi, avait fait beaucoup plus mal qu'une défaite contre Texas que Oklahoma avait eu. Donc, c'est quand même des petits détails qu'on va rentrer dans l'équation là, quand on fait notre top 10 durant la saison. OK. Donc, on va y aller avec le top 10 de Wallet, donc et du comité du Blitz NFL. Donc, le Blitz NFL, ils vont avec Clemson premier. Alabama deuxième, vous allez voir que c'est 1-2. Il semble avoir une unanimité dans les trois premiers. Georgia troisième, donc selon le comité du Blitz. Oklahoma quatrième. Ohio State cinquième. LSU sixième. Michigan septième. Notre Dame huitième. Florida neuvième. Et Texas dixième. On va comparer avec Street Smith, qui est l'ancienne revue, je ne sais pas si c'est ça, mais le Sporting News. Eux, ils vont avec Alabama, premier, compartiment sport au Blitz. Clemson, deuxième. Georgia, troisième. Oklahoma, quatrième. Ohio State, cinquième. LSU, sixième. Notre Dame, septième. Florida, huitième. Texas, neuvième. Et Oregon, dixième. Et Lindy Sports, qui est l'autre revue que j'ai achetée, eux mettent, surprise, Wallet, ils mettent Clemson, premier. Alabama, deuxième. Georgia, vous allez voir que dans les trois premiers, les trois classements mettent Georgia 3e, Oklahoma 4e, Michigan 5e. Michigan qui est 5e, mais ils sont même, tu vois, Sweet Smith ne les classe même pas dans les 10 premiers. Il y a une différence. Hein? Et vous autres, ouais. vous les mettez 7e. Ensuite, Florida 6e, Ohio State 7e. Vous les mettez 5e. Ensuite, ça, LSU 8e. Le Blitz les met 6e et Street Smith, eux autres, les mettent 6e aussi. Notre-Dame, 9e. Et ensuite, Oregon, 10e. Oregon, 10e et vous les placez 11e. Pourquoi Clemson, Alabama? Ce qu'on semble unanime, là, c'est Clemson, Alabama, Georgia dans les trois premiers. Ouais, ben je pense qu'on va commencer avec Alabama. Regardons le civil offensif d'Alabama cette année. On en a parlé de l'an passé. On a Tua qui est de retour. Année de repêchage. Probablement aussi. Sa dernière année. Ouais, probablement sa dernière année. Puis il compte sur trois receveurs. Assez exceptionnel. Là. Un gars comme Jerry Jeudy qui est sa cible numéro un, c'est un gars qu'on compare littéralement à Odell Beckham Jr. Okay. Donc, on parle quand même là, d'une comparaison là, très favorable pour le jeune homme. L'offensive d'Alabama, c'est toujours une offensive qui est bonne au sol aussi. On ne sait pas trop là, comment qu'on va jouer cette saison, puisque dans les conversations d'avant saison, l'entraîneur-chef d'Alabama, Nick Saban, a dit qu'il avait l'intention de revenir avec un style un peu plus classique, beaucoup plus de jeu au sol qu'en 2018, plus de contrôle du temps qu'en 2018. Donc, ça va être intéressant. Est-ce qu'on va encore donner un peu la carte verte à Tua pour faire un peu ce qu'il veut, ou on va contrôler tout ça pour contrôler un peu plus le ballon? Par la suite, Clemson, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui y mettent deuxième. Pour la raison aussi simple qu'ils ont perdu tellement de talent en défensive au dernier repêchage avec Trevor Lawrence puis Clelin Ferrell qui sont partis pour la NFL, puis j'oublie le troisième. Donc on parle de trois gros gars en défensive qui sont partis, mais on parle de Clemson. C'est une université qui recrute extrêmement bien, puis du moment que tu as un joueur qui part, t'en as trois autres qui sont prêts à le remplacer. Donc ils vont peut-être avoir un début de saison un peu plus lent, mais je pense que rendu en novembre, début décembre, puis en janvier, là, ça va être une des équipes dominantes dans le college football. Puis Georgia, on l'a vu dans les dernières années, là, c'est une équipe qui revient là, avec sensiblement les mêmes éléments. La défensive qui s'améliore d'année en année au niveau du corps arrière en offensive. Tu as Jake Fromm qui revient pour sa troisième saison. C'est une équipe qui a passé très, très, très, très près de battre Alabama au championnat national il y a de ça quasiment 2 ans. Puis l'an dernier, lors de la finale de la SEC, là, qui est la conférence d'Alabama puis de Georgia. Donc, c'est vraiment là, les trois équipes que je pense qui font l'unanimité. Puis les autres équipes par la suite, on a des points d'interrogation. Là, je regarde Oklahoma. On a un nouveau corps arrière, là, Jalen Hurts, qui était le corps arrière d'Alabama, qui est maintenant le corps arrière avec Oklahoma, qui va devoir faire la transition. Par la suite, tu as Ohio State, qui a un nouvel entraîneur-chef. Même chose pour eux, il y a un nouveau corps arrière en la personne de Justin Fields, qui était une recrue là, qui était assez populaire là, il y a environ 2 ans. À l'origine, Justin Fields, il avait signé avec justement Georgia, puis là, il est rendu avec Ohio State. Puis par la suite, je regarde d'autres équipes là, comme LSU, qu'on sait que leur défensive va probablement être l'une des meilleures au pays, mais on a des points d'interrogation au niveau de l'offensive. Donc, ça reste que les équipes là, après Georgia, c'est toutes des équipes qui ont des points d'interrogation, que ce soit au niveau de l'offensive, de la défensive ou d'un nouveau entraîneur-chef là, pour l'équipe. Okay. Donc, c'est 1, 2, 3. On va y aller avec 4e, Oklahoma, Ohio State, LSU. Ouais. Comme que je viens de le mentionner, là, ça, Oklahoma, on le sait, là, les défensives sont un peu optionnelles là, dans la Big 12, la conférence qu'ils jouent, mais Oklahoma, ils ont l'avantage d'avoir une très bonne offensive. Puis moi, j'ai vraiment hâte de voir la transition de Jalen Hurts, qui a justement, Jalen Hurts, quand il était un corps arrière avec Alabama, Mais comme que je viens d'expliquer, Alabama avait un style plus classique, beaucoup de jeux au sol, on contrôlait le tempo, on contrôlait le temps de possession, on contrôlait le cadran. Là, en allant jouer dans l'offensive de Lincoln Riley avec Oklahoma, tu te retrouves avec un peu plus d'options. Puis j'ai vraiment hâte de voir comment il va faire la transition. Par la suite, je viens de le dire, là, Ohio State, vraiment hâte aussi de voir Justin Fields. J'ai hâte aussi de voir la défensive avec Draymond Jones, qui est un defensive end pour les Buckeyes d'Ohio State. Si vous pensez que votre équipe dans la NFL va repêcher dans le top 5 l'an prochain et qu'il a besoin de s'améliorer en défensive, porter une attention spéciale à Draymond Jones, c'est un defensive end, puis c'est un gars qu'on voit sortir là, dans le top 5 en 2020. Par la suite, ben, LSU, comme je viens de le dire, probablement l'une, sinon peut-être la meilleure défensive au pays avec un gars comme Grant Delpit au poste de safety. Mais là, l'offensive reste le point d'interrogation majeur, puis c'est pas quelque chose de nouveau pour LSU. Là, leur offensive a toujours eu des difficultés dans le passé. Donc, ça va être intéressant de voir si justement cette défensive-là qu'on dit être monstrueuse va être en mesure de stopper Alabama au mois de novembre. À l'heure où on se parle, Danny, Alabama sont favoris, je pense, par 14,5 points pour remporter ce match-là. Mais on est quand même à 2 mois là, du match. Les choses peuvent changer drastiquement là, d'ici. OK. Là. Donc, maintenant, au nouveau 7e rang, ça va être Notre-Dame, Florida, Texas et Oregon. Pour ce qui est de notre classement au 7e rang, on a Michigan, Michigan, Notre Dame, Florida puis Texas. Michigan, si on recule de là un an, j'étais tellement positif en parlant de Michigan avec leur nouveau carrière chez Patterson qui avait réussi à recruter de l'Université du Mississippi. Puis je me disais, ça va être enfin la saison de Coach Harbaugh. Il va être enfin capable de faire quelque chose avec l'équipe. Puis ils ont trouvé une manière de s'enfarger 2 fois durant la saison, dont un match complètement humiliant contre Ohio State. Moi, personnellement, je suis pas capable de les placer en avant d'Ohio State. Ils m'ont pas encore prouvé. Ça fait, je pense, 7 ou 8 ans en ligne qu'ils perdent contre Ohio State. La journée qu'ils vont être capables de montrer ça, je vais peut-être les mettre devant dans mon classement. Par la suite, tu as Notre Dame qui, l'an passé, a surpris beaucoup de gens en restant invaincu avec 13 victoires, aucune défaite, puis en finissant 3e, faisant les éliminatoires pour la première fois. L'équipe a pas perdu beaucoup de talent. On a sensiblement la même équipe, mais c'est l'horaire qui va être un petit peu plus difficile. Là. L'équipe, il faut qu'ils se déplacent pour aller jouer contre USC cette saison en Californie, puis Stanford aussi qui vont affronter. Donc, ça pourrait être difficile à ce niveau-là. Puis par la suite, tu as Florida puis Texas, deux équipes là, qui ont deux corps arrière là, avec Philippe, Frank, puis Sam Ellinger, deux bons corps arrière pour les deux équipes, deux jeunes instructeurs-chefs là, qui, pas jeunes, mais nouveaux avec le programme, avec Dan Mullen avec la Floride, puis j'oublie son nom, Tom Herman avec Texas. C'est ces deux équipes qui sont sensiblement qui ont beaucoup de ressemblances, puis je pense que c'est deux équipes qui sont là pour surprendre beaucoup de gens. Le match entre Oklahoma puis Texas va être vraiment intéressant au mois d'octobre, puis le match entre Florida puis Georgia va être super intéressant la première fin de semaine de novembre. Donc c'est toutes des équipes qui sont placées dans le top 10. Il y a beaucoup d'équipes là, qui vont s'affronter au cours de la saison, donc ça risque d'être une saison assez intéressante là, en 2019. Okay. Donc ça fait le tour. On va faire une pause et par la suite je vais revenir juste parler du côté de ton classement de 10 à 25, OK? Superman, vous êtes à l'écoute d'Antovic Wallet sur les ondes d'Anadosport.com. Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. Alors ne cherchez plus, il y a les électriciens du Nord au 1025 Première Rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible pour vous depuis plusieurs décennies dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord au 418-347-5103. Monsieur Justin Tremblay et toute son équipe souhaitent bonne chance à l'organisation de Milo en rodéo et invitent la population à participer aux activités. Donc, Wallet, on est de retour à danadosport.com. On va y aller avec ton classement de 11 à 25 maintenant, donc avec le comité du Blitz. Donc, Oregon 11e, Texas 12e, Washington 13e, USF 14e, Utah 15e, Penn State 16e, Washington State 17e, Wisconsin 18e, Auburn 19e, Syracuse 20e, Loyola 21e, West Virginia 22e, Kentucky, Northwestern et Nebraska. Oui, ben c'est ça. Le cas un peu que je l'expliquais dans la première chronique, Ouais. là, on accumule des votes. Puis le top 10 il était assez, je dirais, constant. Là, à quelques exceptions, là, les rangs étaient assez similaires. Pour ce qui est des positions 11 à 25, il y a eu beaucoup de disparités. Puis ce qui fait en sorte là, qu'on voit des si vous allez sur le site du Blitz, j'ai mis le nombre de points que chaque université a reçu. Puis on voit quand même une différence majeure là, entre la 11e position et la 25e position. Qu'est-ce qui est intéressant là, de la fin de notre classement, c'est qu'on retrouve beaucoup d'équipes du Pac-12, quelque chose qu'on ne retrouve pas dans notre top 10. Je pense que la Pac-12, là, c'est une conférence qui est un peu mal aimée dans le sens que leur match commence tard. Quand un match commence à 7h ou 7h30 sur la côte ouest américaine, mais c'est un match qui commence à 10h ou 10h30 sur la côte est, où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent le college football. Donc, pas beaucoup de gens qui vont suivre leur match, puis ça fait en sorte qu'ils se retrouvent un peu plus loin. Mais regarde, t'as Oregon qui est 11e, comme tu viens de dire, Washington 13e, Washington State qui est 17e, trois grosses équipes de la division Nord. Puis tu retrouves Utah au milieu de tout ça, au 15e rang, qui est la seule équipe de la Pac-12 niveau de la division du Sud. Je pense que Utah, c'est un peu une équipe là, carte cachée là, en 2019. Beaucoup de gens les voient très fort, m'incluant. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup perdu de joueurs pour la NFL, qui a un beau noyau de joueurs, un bon entraîneur-chef. Donc, Utah, ça, si vous avez de l'intérêt pour la conférence de la côte ouest, Utah, c'est une équipe là, qu'il faut qu'on garde en mémoire. OK. Donc, ça fait pas mal le tour pour ces divisions-là. Donc, y a-t-il une équipe qui pourrait surprendre dans tout ça? Ben, c'est sûr que ça fait au-dessus de 10 ans là, que ça fait au-dessus de 15 ans, je devrais dire que je suis le college football, puis ça fait au-dessus de 10 ans là, que je m'y intéresse à un point d'écrire des chroniques. Puis année après année, tu as des équipes qui vont un peu surprendre. Je suis juste de penser à l'an dernier. Là. Je sais que de ton côté, Danny, tu es un grand fan de Notre Dame. Puis on le sait que Notre Dame vont toujours avoir des bonnes saisons, mais de là avoir une saison parfaite comme qu'ils ont eu l'an passé, je pense que ça a surpris beaucoup de gens. Puis malheureusement, ça s'est achevé pour eux en éliminatoire contre Clemson, mais ça a resté une belle équipe à suivre l'an dernier. Moi, s'il y avait une équipe que je pense qui pourrait surprendre, je pense qu'on en parle déjà un peu, c'est Nebraska. L'entraîneur Scott Frost, qui a fait des miracles un peu avec UCF, là, qui est une petite université, est retourné à son université de d'antan pour être l'entraîneur-chef à Nebraska. L'an dernier, c'est une équipe qui comptait, là, si je me trompe pas, c'était 52 joueurs qui étaient à leur première ou deuxième année. Donc, la majorité de ton programme, c'était des joueurs qui étaient fraîchement sortis du secondaire ou avec très peu d'expérience. Là, ils viennent avec plus d'expérience, plus de confiance en eux, avec un instructeur comme Scott Frost. Puis, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils évoluent dans la Big Ten West, qui est un peu la conférence facile. Donc, les chances pour eux de se rendre au match ultime contre Ohio State ou Michigan dans la finale du Big Ten sont quand même là. Puis moi, je pense que Nebraska, ça peut être une équipe qui, sans dire qu'ils vont faire les éliminatoires puis avoir une saison parfaite, comme Notre Dame l'an dernier, je pense que c'est une équipe qui pourrait surprendre puis terminer dans le top 10 cette saison. OK. Voilà, très intéressant. La glace est faite pour... est terminée pour la première. La semaine prochaine, les premiers matchs vont commencer. Puis on va parler également des joueurs à surveiller. Évidemment, tu as Casey Lawrence, tu as Tua, mais tu as d'autres joueurs également. Donc, tu as fait plusieurs papiers là-dessus. Donc, Wallet, on se parle la semaine prochaine? Yes, même poste. Même poste. Donc, c'était la chronique de la NCAA avec Wallet.